France Inter. François Morel, c'est à vous. Bonjour. Jean-Loup Chifflet est l'un des auteurs du siècle. Ne me demandez pas quel siècle, les siècles sont arbitraires. Jean-Loup Chifflet se déplace d'un cocktail littéraire à un autre dans des chaussettes excentriques, des pantalons rouges ou mauves ou violets et porte souvent un casque car il voyage essentiellement en scooter. Jean-Loup Chifflet écrit des livres. En réalité, il écrit généralement toujours le même livre auquel il donne à chaque fois un titre différent selon qu'il est édité par un éditeur ou un autre, pas assez regardant pour aller vérifier de près la concurrence. Parfois, le bouquin s'appelle « Le dictionnaire amoureux de l'humour » quand il est édité par Plon. Parfois, le dictionnaire s'intitule « Le bouquin de l'humour » quand c'est Bouquin qui le sort. Jean-Loup Chifflet, très régulièrement, fait paraître de nouveaux livres aux titres inédits. Si, entrant dans une librairie, vous réclamez dès votre entrée le dernier Chifflet, puis que vous musardez un petit moment entre les rayonnages de la librairie à la recherche d'un vieux Vialatte, d'un récent Nothomb, d'un Bobin méconnu, il est très probable qu'à la fin de la visite, le dernier Chifflet qu'on vous a mis de côté ne soit plus exactement le dernier Chifflet, car, entre-temps, un tout nouveau Chifflet est sorti, plus amusant, plus cocasse encore que le précédent. Jean-Loup Chifflet est un compilateur. Il est spécialiste des listes. Son livre, Magasin pittoresque de la littérature française, est essentiellement constitué de listes. La liste des adresses des écrivains, la liste des pseudonymes des poètes résistants, la liste des dernières phrases prononcées par des écrivains juste avant de mourir. Le magasin pittoresque de la littérature française est le meilleur moyen de briller en société. Il présente l'avantage de pouvoir faire son malin sans être tenu de se taper tous les grands chefs-d'œuvre de la littérature française. Si vous êtes invité à dîner en ville au moment des entrées, n'hésitez pas à interroger la maîtresse de maison. Savez-vous que Marcel Proust habitait 9 boulevard Malesherbes dans le 8e arrondissement de Paris? Dès qu'on apporte le plat de résistance, évoqué justement Aragon, Éluard et Chantardieu, qui, dans les années de clandestinité, se firent appeler Jacques Destin, Maurice Hervant, Daniel Thérésin. Au dessert, juste avant de quitter la table, évoquer le mot de la fin d'Alfred de Musset, mort à 47 ans, dormir, enfin, je vais dormir. Jean-Loup Chifflet, archiviste fou, logographe compulsif, annotateur dérangé, ne se donne pas la peine d'écrire entièrement ses livres. Certaines pages sont entièrement tirées, heureusement, d'ouvrages de qualité. Ah, quelle heure est-il? Presque 9h, il n'est plus temps de vous resservir un café, de vous confiturer une dernière tartine ou de vous laver les oreilles avec votre coton-tige désormais réutilisable et vendu au prix de 9,95€ l'unité. Courez dans une librairie et commandez sans attendre le dernier Chifflet en vérifiant qu'il s'agit bien du magasin pittoresque de la littérature française. France Inter.